Les bonnes gens. L'arcologie s'éveille en toute beauté. Mes gens s'activent comme des abeilles, semblent animés d'une même cognition. Je les vois bourdonner en synchro, s'affairer d'une dévotion lumineuse au moindre petit détail. Et quoi qu'on puisse passer des heures à souligner leur plénitude physique et émotionnelle, moi j'admire surtout leur sourire. Ici, tout le monde est optimiste. Les pensées positives pullulent et s'autoréalisent. Tout le monde participe, tout le monde fait de son mieux et y sourit. Sourit toute la journée. Mais pourquoi ils seraient pas heureux? Leur monde, même s'il est confiné aux frontières de la pyramide, est un paradis. Nul conflit cognitif, nulle exclusion, nulle critique. Ils partagent les mêmes intérêts, les mêmes buts, les mêmes valeurs. Être heureux. Toute angoisse existentielle est balayée dans la tautologie du hive mind, l'esprit de ruche. Les citoyens de l'arcologie sont bons parce qu'ils sont là, et ils sont là parce qu'ils sont bons. Lorsque je traverse les corridors luminescents avec mon entourage, les citoyens me renvoient leur béatitude et leur sourire me réconforte. Ils sont pas jaloux, admirent mon succès et savent que ma richesse permet la leur. À défaut de pouvoir la ressentir, je reconnais l'empathie et l'apprécie pour tout ce qu'elle m'autorise à faire. Chef de file, je déambule fièrement dans mon meilleur complet. Ma chemise de Milan, mes boutons de manchette de Stuttgart. À mes talons suivent Gauthier, le chef de la sécurité, une poignée de Comtech et mes gardes du corps. Katia est à ma droite, bien entendu, ses talons claquant sur le plancher de céramique. L'autre passager est invisible. Bill, adresse Singapour depuis mon oreillette. Les investisseurs sont inquiets, c'est sérieux. Ils commencent à poser des questions, ça m'emmerde, puis... Je sais pas depuis quel boui-boui il m'appelle, mais l'inférence est agaçante. Peut-être un sauna, un terrain de golf? Je signale à un de mes comtechs de nettoyer la ligne. Hé, j'interromps. D'où tu m'appelles? Quoi? Demande Singapour. Hé, on s'en fout! Mon yacht, Bill! Mon yacht! Tu comprends ce que je te dis? C'est la panique ici! Ouais. Les actionnaires te cassent les couilles. Puis quoi? Tu fais la chochotte? Écoute, t'arranges-toi comme tu veux. T'es paye ou t'es saigne, mérite ton salaire pour une fois. Je veux plus en entendre parler. Je coupe la conversation avant de perdre ma bonne humeur. C'est ce moment que saisit Katia pour ajouter à mes emmerdes. Je savais que ça serait pas facile. Bill, commence-t-elle. La PM a réussi à franchir la réception. Elle est en chemin. Je jette un regard derrière mon épaule à Gauthier, espérant sincèrement que sa tête explose. Vraiment? Je rétorque. Comment est-ce que c'est possible au juste? Juridiction. Bredouille Gauthier. Avec le mandat d'un juge, nous. C'est chez moi, ici. Tu comprends? Oui, monsieur. Prétexte Gauthier. Je veux dire, Bill. Nous avons jamais eu ce problème avant et... Je regarde aux alentours. Une myriade de caméras biométriques nous scrutent, captent chacun de nos faits et gestes. J'ai 200 soldats de la Hope Sec à portée de main. L'arcologie est une forteresse. On s'adapte. J'ordonne à Gauthier. Ça manque de professionnalisme. En attendant, tu la coupes en chemin, d'accord? Invente quelque chose, je veux pas savoir comment. J'ai pas le temps pour cette cribiche. Nous passons par le secteur santé de l'arcologie. Derrière des murs vitrés, une vingtaine de jeunes femmes bouillonnantes de santé suivent une classe de pilates. Leur corps, athlétique et souple. L'entrée au spa est décorée d'un jardin de pierre avec une petite chute et des ruisseaux ornés de ponts en arc de bois. Des nénuphars flottent à la surface des eaux, bordée par des pierres où luisent des perles de condensation. Je reconnais l'arôme d'huile essentielle, lavande, eucalyptus. On presse le pas, j'ordonne à mon entourage. Je présume que tout est prêt pour mon départ. L'héliport est pas loin. Je pourrai enfin passer aux choses sérieuses. Bien sûr, Bill, affirme Katia. J'ai confirmé le rendez-vous avec Mademoiselle Duclair. Je peine à me contenir devant mon personnel. Je me sens comme un gamin dans un magasin de jouets. C'est alors que Gauthier lève la voix. Bill, j'arrête sur place. Irrité au plus haut point. Il en a marre d'être entouré d'incompétents. Je fais volte-face, le dévisage comme le tas de merde qui est. Quoi? Et c'est à ce moment que j'aperçois le problème derrière son épaule. Elle court dans le corridor avec toute la grâce d'un hippopotame, les pommettes rouges et probablement à deux battements de la crise cardiaque. Derrière elle, son propre entourage, deux aides, trois gorilles et une dizaine de policiers de l'escouade tactique, vêtus d'armure et munis d'automatiques. « William !» s'égosille la première ministre. « William !» Gauthier place une main sur son arme. Tous mes gardes suivent l'exemple. C'est quasiment séditieux. Je prends note que cet attardé mental est loyal malgré tout. C'est apprécié. La première ministre presse le pas, les lèvres tremblantes, la blouse froissée, quelques mèches rebelles fuyant sa permanente comme une vieille poupée. Elle me confronte, la voix pleine de flegme. Tout ça est très théâtral. « Pourquoi tu ne retournes pas mes appels, hein ?» demande-t-elle d'une stupidité protocolaire. « Tu me prends pour qui ?» J'ouvre les paumes vers l'extérieur en signe de bonne foi. Lui offre mon grand, mon beau, mon meilleur sourire. Je tire les joues, montre les dents. Ça pétille jusque dans mes yeux. L'effet est saisissant. Son mur de rage se fissure aussitôt. C'est plus fort qu'elle. Je savoure la confusion dans son visage et la méprise encore plus. Elle est si faible. Maintenant, je peux sourire pour vrai. Y a-t-il un problème? Je demande candidement. Je m'excuse, je suis terriblement occupée. T'sais, l'économie va pas bien. Maintenant qu'elle est désarmée, je retiens mon dédain et m'avance plus près avant de chuchoter pour que nos entourages respectifs ne puissent pas entendre. Y a une raison pour cette mise en scène? La situation se complique, précise-t-elle. Tu m'avais pas dit que... Bill, j'ai pas donné mon accord pour tout ça. Le contrat qu'on a donné à ta obsèque, les nouveaux pouvoirs, il y a des ramifications. Je veux qu'on se débarrasse des anarchistes autant que toi, mais mon cabinet se déchire. Puis les sondages, Bill, les sondages! Je m'incline pour m'approcher encore un peu, tout près de sa face suintante. L'odeur de parfum français et de sueur m'assure qu'elle est une bête de trait parmi tant d'autres. « Qu'est-ce que tu veux? » je demande simplement. « Parce que c'est simple. La première ministre tente de maintenir mon regard quelques secondes avant d'avouer comme elle confesse. « Tu doubles ma part. » Confondre négociation et peloton d'exécution, voilà qui est décevant. « 15%, je lui renvoie platement. Son silence a teneur d'acquiescement. Une foule de questions défile derrière ses yeux. Des chiffres aussi. Mais le résultat est aussi prévisible que la notion qu'elle ne pourra jamais habiter ici, à l'arcologie, parmi les bonnes gens positives. Voilà qui est réglé, je proclame en me redressant. Madame la Première ministre, c'est toujours un plaisir.